Chauffeur, cité champion, appui-appui, chauffeur, cité champion, appui sur le champignon, Stephen King a écrit Grand Chauffeur et Michael Salomon l'a adapté. Bonjour et bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock. Comme d'habitude, je suis avec Christopher. Salut. Salut. Ça va ? Bah écoute, chaudement, mais ça va. Ouais, il commence à faire très très chaud. Bon, heureusement, c'est quasiment le dernier épisode de la saison. On va pouvoir se reposer un petit peu. Ouais, passer à d'autres lectures que du King, parce qu'il paraît qu'il y a d'autres auteurs, moi je viens de l'apprendre. Ouais, c'est vrai. Il paraît. Faudrait que je teste, hein, c'est sympa. On m'a parlé d'un Balzac, notamment. Un certain Richard Bachman ? Oui, celui-là aussi, ça nous changerait. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle Grand Chauffeur, publiée dans le recueil Nuit Noire, Étoile Morte, sorti en 2010 en anglais et 2012 en français. Le film, lui, s'appelle Détour Mortel. Il est réalisé par Michael Salomon. C'est un téléfilm qui a été diffusé le 18 octobre 2014 sur Lifetime et qui dure 1h27. Le titre anglais du film comme de la nouvelle, c'est Big Driver. Et je propose qu'on y aille tout de suite. Eh ben, en selle. Non, mais en selle. Moteur, à la limite. Appuie sur le champignon, quoi. Voilà, c'est parti. Grand Chauffeur nous raconte l'histoire de Tess, une autrice de romans policiers qui met en scène un club de petites vieilles qui font du tricot et qui résolvent des affaires de crime pour le loisir. Et un jour, alors qu'elle était à une séance de dédicace sur le chemin du retour, alors que la libraire lui a conseillé un raccourci, elle a un accident de voiture, son pneu est crevé, et un chauffeur qui prétend vouloir l'aider va en fait la violer et la laisser pour morte sur le bas-côté, mais comme elle est encore vivante, elle va se relever et elle va vouloir se venger de ce grand chauffeur et de sa mère qui est en réalité la libraire et qui lui envoie volontairement des victimes. Alors le projet de King avec tout le recueil Nuit Noire et Étoile Morte, c'était de raconter des histoires plus réalistes, plus brutales, avec des personnages qui sont poussés à bout, qui sont poussés dans leur dernier retranchement. À la limite, en fait, si on résume, c'est de raconter des histoires à la Bachman, sauf que comme il a abandonné l'identité de Richard Bachman, il le publie sous son vrai nom. Mais très clairement, c'est des histoires, au moins pour trois d'entre elles, qui auraient clairement pu sortir sous pseudonyme si elles avaient eu 20 ans de moins. Oui, carrément. Oui. Bachman, très très terre-à-terre. Il y a rien qu'à voir Chantier, par exemple, qui n'a pas encore été adapté, même si c'est un projet, mais on est clairement dans du pur récit terre-à-terre. Oui. Bah, c'est en fait les trois premiers Bachman, hein. Même Marche ou Crève a beau avoir ce côté futuriste, c'est ultra terre-à-terre. Rage aussi, ouais. Ouais, que King ne veut pas voir réédité, donc pour avoir une adaptation de celui-là, c'est dommage, il aurait du potentiel. Après, on peut comprendre son désir, avec tout ce qui se passe aux États-Unis sur les massacres en école, ça peut se comprendre, mais bon, après, de là à renier son propre travail... C'est pas de sa faute à lui, quoi, ce qui se passe. Oui, il faudrait que ce soit un autre pays qui l'adapte, qui a peut-être pas le même rapport au massacre de masse. Il y a peut-être moyen de faire un truc. Peut-être, à voir. On enverra un mail à Takashi Miike. À lui au bol. On va d'abord partir sur Takashi Miike. Et si ça aboutit pas, on réfléchira, oui. T'as pas l'envie. Aussi, depuis le temps qu'il a rien fait. Donc avec Grand Chauffeur, il s'attelle au genre du rape and revenge. Alors c'est un terme qu'on utilise surtout au cinéma, mais on peut largement l'étendre à la littérature. Le principe, pour ceux qui connaissent pas, est simple et pas forcément très réjouissant. Il y a une jeune femme qui se fait agresser sexuellement, qui se fait tuer ou pas, et qui après soit se venge elle-même, soit se fait venger par ses proches. Donc c'est un genre qui a été pas mal populaire au cinéma dans les années, fin des années 60 et années 70, grâce à la dernière maison sur la gauche qui a un peu lancé la machine. Ah, par contre, en général, c'est plutôt elle survit, en général, c'est plutôt elle qui se venge. Bah ça dépend, il y a eu un peu de vagues de rape and revenge, t'as quand même tout le courant, la dernière maison sur la gauche et le dernier train de la nuit où elle meurt et où c'est les parents d'ensemble qui la vengent. Oui, aussi, oui. C'est un peu plus tard qu'elle survit et qu'elle se venge elle-même. D'accord. Bon, après, spoiler, ça devient pas plus féministe pour autant, hein, faut pas déconner. Donc c'est un genre auquel on peut reprocher pas mal de trucs, on va y revenir, notamment tout ce qui est justice personnelle, tout ce qui est culture du viol aussi, donc... un peu étonnant de voir King s'atteler en 2010 à ce genre-là, mais pourquoi pas. Il l'avait déjà plus ou moins traité, même si de manière beaucoup plus soft et beaucoup moins directe, dans La fille pain d'épices, une nouvelle assez courte de son précédent recueil. Je sais pas si tu l'as lu, celui-là. Pas du tout, mais le titre est très joli. C'est dans Juste avant le crépuscule. D'accord, je l'ai, ce recueil, mais effectivement, je n'ai pas lu cette nouvelle. Pour l'instant, je crois pas qu'on aura 36 occasions d'en parler, hein, de Juste avant le crépuscule. Y a pas beaucoup de trucs adaptés dedans. D'accord. La nouvelle a reçu un accueil mitigé, il y en a certains qui vont bien l'aimer, mais dans l'ensemble, c'est celle qui divise le plus dans tout le recueil, et même ceux qui ont beaucoup aimé ce recueil ont tendance à dire que c'est la plus faible des quatre. Neil Gaiman, notamment, est assez critique envers elle, même s'il la reconnaît quand même comme distrayante. Ah oui, Neil Gaiman. Ouais. Rien que ça. Bah, il est aussi critique littéraire, hein, Gaiman. Oui, mais c'est étonnant que lui, qui est quand même très... penché sur le sociétal, apprécie une nouvelle comme ça. Ouais, c'est pas faux, j'ai pas lu assez de Neil Gaiman pour pouvoir juger de ses positions, pour être honnête. Bon, il reviendra quand on parlera en fond de la nouvelle, mais ça se veut féministe, mais ça tape totalement à côté, quoi. Oui. Alors, certains critiques parlent aussi d'une fin peu crédible et d'un récit trop facile, et on y reviendra, là aussi, je suis un peu d'accord. Donc justement, je ne sais pas grand-chose de plus sur la production de cette nouvelle, et surtout, je ne connais pas l'avis de King lui-même dessus, donc on va directement passer à nos avis. Vas-y, Christopher. Alors, bah, vous l'avez compris, c'est pas une nouvelle qu'on porte tous les deux dans nos cœurs. On va pas tourner autour du pot, déjà. On peut dire que le genre Rap and Revenge, c'est pas un genre qu'on apprécie, que ce soit Issam ou moi. Disons que j'arrive à le trouver distrayant quand c'est les films des années 70 d'exploitation et que j'arrive à passer outre les gros problèmes que ça pose sur le plan social et moral. C'est ça, ou quand c'est accompagné d'une vraie bonne réelle et d'une bonne ambiance, comme La dernière maison de Craven par exemple. Ouais, voilà. Mais le problème, c'est que là on n'a pas ça en fait dans la nouvelle. Déjà, c'est beaucoup trop long pour ce que ça raconte. La nouvelle fait quoi? Elle fait 200 pages? 150... À peu près, 200, ouais. 200 pages, ouais. Et on tourne autour du pot, alors la scène du viol dure des plombes, mais c'est beaucoup trop long. En fait, je reproche, comme je reprochais à King pour cette nouvelle, ce que je reproche à d'autres auteurs quand ils mettent en scène un acte vraiment odieux et cruel, c'est des fois t'as l'impression que le type prend du plaisir à écrire ce qu'il écrit. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je vois l'intention, je doute que ce soit le cas, mais je comprends ce que tu veux dire, ouais. Mais voilà, c'est... En fait, du coup, la séquence me dérange, mais pas comme elle devrait me déranger. Je suis pas dérangé parce que ce qui se passe c'est cruel, bien sûr que oui c'est cruel, mais je suis plus dérangé parce que j'ai l'impression que le mec prend plaisir à écrire ce crime. Pour ce compte-là, pour prendre un autre exemple de film que je n'aime pas du tout en plus, dans Baise-moi de Virginie Despentes, ça insiste aussi beaucoup sur le viol, et pourtant, de ce que je sais de Despentes, il y a quand même très très peu de chances qu'elle se complaise à montrer ça. Oui, tout à fait, oui. Donc je pense qu'il y a une volonté potentiellement maladroite, même clairement maladroite, de vraiment pousser dans l'horreur, mais je suis pas sûr qu'il y ait le côté complaisant. Non mais pour le coup c'est vraiment un avis très personnel. Hein. Ah oui, je comprends tout à fait, bon, on a déjà eu le débat à propos d'autres œuvres, d'ailleurs sur lesquelles on est aussi divisé. Et puis même on a déjà eu le débat avec King en lui-même. Oui, effectivement aussi, ouais. Je trouve pas les personnages intéressants. On suit en majorité le personnage principal, donc la victime de viol, la victime de grand chauffeur, parce que c'est comme ça que le camionneur qui l'attaque se fait appeler. Mis à part ce personnage-là, il y a une petite galerie d'autres personnages, donc la mère de grand chauffeur lui-même. Il y a un personnage qui, lui, est plutôt correct et qui est le seul personnage vraiment bien amené du féminisme dans cette histoire-là, c'est la Barmaid. Oui. Donc le bar où grand chauffeur a laissé la voiture de Tess. Ce personnage-là amène quelque chose, donc le personnage de femme battue en fait par son ex-mari, qui pour le coup a une vraie conversation plutôt touchante avec Tess, surtout ce passage où, après qu'elle soit confiée, Tess veut la prendre dans ses bras, et où du coup ce personnage la repousse, mais parce que à cause de toutes les violences qu'elle a subies, elle supporte plus d'être touchée en fait, tout simplement. C'est un passage que j'ai trouvé très émouvant. On y reviendra, mais il fonctionne aussi dans le film, ce passage-là. Je trouve même qu'il fonctionne mieux dans le film, parce que le souci dans la nouvelle, c'est qu'il arrive après le climax, donc après la mort de grand chauffeur, Et du coup, j'en suis au stade où j'ai envie que ça se termine, moi, en nouvelle. Mmh. J'avoue qu'à la lecture, j'arrive pas à profiter de ce passage qui est effectivement plutôt de qualité, mais qui est beaucoup mieux placé dans le film. Enfin, placé autant de pages après le climax dans un récit, je trouve ça assez bizarre, en fait. Globalement, la longueur de la nouvelle, c'est le point négatif. Oui. Moi, un autre point qui m'a beaucoup déplu, c'est... J'y vois une non-originalité pour pas mal de choses. C'est-à-dire que j'ai l'impression que King a beaucoup apprécié le personnage de Jesse et qu'il en a repris certaines mimiques. Le fait de dialoguer avec des personnages dans sa tête ou avec des objets qui l'entourent. Par exemple avec le tom-tom, avec son chat, voilà. Ouais, et à l'inverse de Jesse, ça c'est mieux fait dans le film que dans la nouvelle, je trouve. Oui, on y reviendra, parce que du coup dans le film ils ont pas poussé le vice jusqu'au bout, ils ont pas fait parler le chat. Parce que dans le film ça aurait été ridicule du coup. Moi je fais ça tous les jours. Je parle à mon chat imaginaire, il me répond, il me dit d'aller tuer des gens. Ah d'accord, je vais vite partir de cet appartement. Mais moi personnellement j'ai trouvé ça feignant. Parce que, bah, pas original en fait, tu reprends exactement les mêmes mimiques que tu as écrites des années plus tôt avec Jesse. Ouais, c'est pas faux, oui. J'avais pas forcément fait le rapprochement, mais t'as raison, ouais. Et du coup, je trouve que ça colle mieux avec Jesse, parce que Jesse a vraiment... Enfin, le personnage de Jesse connaît une folie qui monte crescendo. Alors que là, le personnage le fait dès le début. Enfin, c'est très bizarre, en fait, ouais, comment c'est amené. Ouais, c'est lié au fait qu'elle soit autrice et que donc elle dialogue avec des personnages imaginaires. Mais effectivement, à ce moment-là, fallait la faire dialoguer que avec ses personnages imaginaires. Oui, voilà. Oui, parce que c'est vrai que dans la nouvelle... Elle cause très peu avec les personnages de ses récits, donc les indémaillables, le club des indémaillables. Ce qui est pour le coup un concept plutôt rigolo, hein, ça fait un peu espèce de sous-Agatha Christie. Bah, ça fait très, oui, c'est dans la veine des romans policiers anglais, il y en a pas mal des séries comme ça, avec des personnages très singuliers qui mènent des enquêtes au fur et à mesure de des tomes. Oui, c'est ça. Donc moi, pour mon avis, bah, globalement, je te rejoins, c'est pas une nouvelle que j'aime beaucoup. De toute façon, on l'a déjà dit, hein, c'est pas un recueil que j'aime beaucoup de manière générale. Effectivement, je trouve qu'elle apporte à peu près rien au genre. Elle dit pas grand-chose sur son message. King a déjà fait mieux par le passé. Donc c'est un peu étonnant qu'il régresse comme ça. J'ai l'impression que c'est surtout un exercice de style pour s'essayer au genre du rape and revenge, mais voilà, ça pose plein de problèmes. Puis au niveau du message, hein, j'ai toujours du mal avec les trucs qui parlent de vengeance personnelle, quel que soit le crime initial. Et surtout que là, ça essaie vaguement de parler des problèmes liés à la dénonciation, enfin au fait d'aller dénoncer un viol, au fait que tout le monde dira que c'est de sa faute et compagnie, ça essaie de l'effleurer. Mais ça le fait pas de manière assez poussée pour qu'on puisse réellement avoir un questionnement sur la portée sociale de ce genre de crime et de ce genre de dénonciation. Alors que, ouais... Pour le coup, c'est bien amené. Cette critique-là, le début d'explication de pourquoi les victimes, au final, bah, se dévoilent peu, si peu, malheureusement, c'est plutôt bien amené. Le fait que c'est la peur qu'on les pointe du doigt, voilà. Le souci, c'est que c'est pas trop mal amené, mais là, on est quand même dans un cas particulièrement extrême, en fait. Elle s'est fait bien tabasser, elle a été laissée pour morte, il y a 3 autres cadavres à côté d'elle. Bon, au bout d'un moment, même à ce stade-là, quels que soient les problèmes de la police avec ce genre de truc, elle enquête, quoi. Oui. Quand tu retrouves 3 cadavres, il y aurait eu enquête, donc il aurait peut-être fallu un crime plus pernicieux, on va dire, pour que toute cette dénonciation passe mieux. Il aurait fallu que l'agression, en fait, rentre dans la catégorie de ce qui est considéré par une partie de la population comme le viol, je fais des grosses guillemets, compréhensible. Oui, par exemple, le personnage féminin va en boîte de nuit et il arrive ce qu'il arrive, quoi. Ouais, c'est ça. Malheureusement, des gens pensent comme ça. Bah oui, non mais clairement, et ça aurait été très intéressant et à traiter, effectivement, et là, il y avait des sujets à toucher. Là, ça le fait trop maladroitement, je trouve, et au final, c'est presque plus gênant qu'autre chose, quoi. Puis, quoi qu'il en soit, il faut que les auteurs, que ça soit au cinéma ou en roman... Arrête de penser que le rape and revenge est un genre féministe. Non. Écrire des personnages de femmes forts, ça ne nécessite pas faire des personnages féminins qui se font violer pour devenir forts. C'est à l'opposé du féminisme, en fait, comme manière de penser. Bah, de toute façon, historiquement, le genre n'a jamais été féministe. Hein. Il suffit de voir même les grands classiques. C'est quoi, c'est J'irai cracher sur vos tombes. ce genre de truc. Quand la femme se venge, où il y a aussi celui d'Abel Ferrara, dont j'ai oublié le nom, qui est pas très bien. C'est Abel Ferrara, voilà. Quand même. Et au final, la femme se venge, et il y a toute une tentative de message sur le fait qu'elle se réapproprie son corps et sa sexualité, parce que souvent elle attire ses agresseurs et futures victimes en jouant sur sa sexualité, c'est un code du genre. Sauf que du coup, c'est encore une occasion de montrer l'actrice à poil dans le film, donc clairement tout message féministe dans ce genre est la plupart du temps hyper hypocrite. Alors on trouvera des exceptions, hein, pour ceux des gens qui se sont réappropriés le Rape and Revenge pour en faire quelque chose de plus féministe, je pense qu'il y en a. Ben en fait, il faudrait faire un Rape and Revenge inversé, dans le sens où le personnage attire vers elle et en fait tue ses agresseurs avant qu'ils ne passent à l'acte. Après, on peut aussi évoquer le fait que moi, personnellement, je trouve que la police ne fait pas très bien son travail dans cette nouvelle. C'est-à-dire qu'on parle quand même d'un mec qui a potentiellement tué plusieurs dizaines de femmes. Alors, dans le film, on voit qu'il en a commis beaucoup. Dans la nouvelle, c'est moins clair. Parce que dans la nouvelle, on nous parle de 3 ou 4 cadavres dans le conduit. Sans plus, quoi. Mais quand même, vu que on sait que c'est sa mère qui envoie les victimes sur cette route-là, ça se voit autant qu'on a quand même un bon petit paquet de femmes qui disparaissent et qui ont toutes le lien, cette bonne femme-là. Au bout d'un moment, mène une enquête, quoi, je sais pas, moi. Ça me paraît très bizarre. Bah oui, mais que tu, il y a des honteux casseurs qui mettent des tags « la police est raciste » sur les murs, donc toutes les forces sont dépassées. C'est vrai, j'avais oublié, c'est ils peuvent pas s'occuper des problèmes, c'est de la faute des manifestants, ça. Ils peuvent pas s'occuper des pauvres dames toutes seules dans leur véhicule. C'est ça. Tristesse. En plus, dans la nouvelle, il y a quand même une grosse insistance sur la justification du crime. Le seul truc qui aurait pu être un tout petit peu plus subtil que dans le film, pour le coup, c'est le fait qu'on ne soit pas absolument certain que le frère ait participé au crime. Mais bon, c'est quand même très sous-entendu que si. C'est plus sous-entendu qu'il est au courant. Ouais. Donc, il participe forcément, mais... ouais. Il est au courant, ça on le sait, mais on n'est pas sûr qu'il participe. Ouais, tandis que dans le film, ça pour le coup sera encore plus explicite et donc encore plus bourrin. Mais pour le coup, même s'il est au courant, il est quand même coupable. Oui, il est coupable de pas le dénoncer, mais en fait la manière dont c'est amené est gênante, parce que du coup ça veut dire qu'elle tue quelqu'un par erreur, mais que ça revient sur cette erreur en disant qu'il était coupable quand même. Je trouve ça assez gênant, quoi, sur ce que ça nous dit au final. Il y a aussi tout ce passage ultra long et chiant dans la nouvelle où... Elle veut se suicider après avoir commis sa vengeance. Ouais. Ça aussi, c'est... Mais pourquoi ? Bah, encore une fois, ça aurait pu être intéressant, bien exploité, mais... Ah, mais je comprends pas, le but, c'était de faire un personnage fort qui se révèle après cet acte horrible et qui, du coup, une fois qu'il a commis sa vengeance, décide de mettre fin à ses vues. En fait, tu passes d'un personnage fort à un personnage montré comme faible. C'est très bizarre. Ouais. Je pense que c'est plus que c'est mal amené, encore une fois, parce qu'à la limite, le côté, elle se rend compte que sa vengeance lui a rien apporté et du coup elle veut mourir, ça aurait pu être intéressant en soi. C'est vrai. Mais c'est vrai que le côté remords d'avoir tué le frère est plutôt bien amené, ça. Mais trop vite expédié. Voilà, c'est ça. Dommage que ça soit pas assez mis en avant ou assez développé. Alors que pourtant, t'aurais pas développé d'autres trucs inutiles, t'aurais eu de la marge. Ouais, et puis surtout, vraiment, je pense qu'il aurait fallu que le doute persiste jusqu'au bout sur le frère et qu'on ne sache pas s'il était au courant ou pas. Pour son soi, je pense que c'est parfaitement possible que des frères, sœurs, parents de violeurs ne soient pas au courant des crimes de leurs proches. Hein. Ça, c'est l'histoire de couple de... De couple modèle, d'ailleurs. De couple modèle, la nouvelle qui suit. C'est ça, et je pense que c'est largement possible et ça aurait réellement amené au moins un minimum de subtilité au message sur la vengeance en disant elle a peut-être tué quelqu'un de complètement innocent, tandis que là, dans tous les cas, dans la nouvelle, il n'est pas complètement innocent parce qu'il est au moins en train de couvrir les crimes. C'est ça. Oui, parce que oui, ça aurait pu apporter quelque chose d'intéressant dans le sens où est-ce que l'abus de vengeance, enfin la vengeance en elle-même, est-ce que c'est vraiment quelque chose de louable, quoi, la loi du talion, tout ça. Mais après, encore une fois, toi et moi, la loi du talion, bon, c'est quelque chose... On est quand même fondamentalement contre, donc... Ouais, alors d'ailleurs, petit correctif, parce que c'est une erreur qui est très souvent faite dans le genre, la loi du talion, c'est quelque chose d'assez précis techniquement, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, on commet une vengeance qui est exactement égale au crime. Tuer quelqu'un Même si c'est un violeur, ce n'est pas de la loi du talion. Alors c'est purement une question de définition, hein. Mais il faut arrêter. Enfin, les mots ont un sens. Ou non. Oui. C'est de la vengeance, c'est pas de la loi du talion. La loi du talion est considérée justement comme une loi par certains, pas comme une vengeance. Donc c'est intéressant de différencier les deux, je trouve. Je me fais engueuler. Non, non, mais c'est pas contre toi. C'est la nouvelle le fait aussi, et le film utilise aussi le terme loi du talion. Du coup, à contre-emploi. On passe à la suite ? On peut passer à la suite, avec le film. Run from me, darling. As a writer. Run, my good wife. You have to understand human nature. Run from me, darling. Fear. Murder? You better run for your life. And revenge. And each time I see you, I think it's time, dear. I can't. No freaking payback. Complain. You really don't belong in a place like this. Have a safe trip home. You better run. You better run. You better run. You better run. You're crazy. Run, run, run, run. You have to understand human nature. Le film est produit par Jeffrey Hayes, qui était déjà sur Rêve et Cauchemar et Salem, celui dont on a déjà traité, donc déjà de Michael Salomon. Bill Haber, qui était déjà sur Rêve et Cauchemar, et Michael Mahoney, qui a aussi travaillé ensuite sur la série The Mist. La société de production, c'est O-Star, c'est ça qui explique en fait qu'il y a de nombreux noms communs avec Rêve et Cauchemar, puisque c'est déjà eux qui avaient produit cette série-là. Donc le réalisateur Michael Salomon, comme je l'ai dit, on l'avait déjà rencontré puisque c'est lui qui a fait le téléfilm Salem, et il a aussi réalisé certains épisodes de Rêve et Cauchemar. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur lui, réécoutez notre épisode sur Salem. Et le scénariste, c'est Richard Christian Matheson, un écrivain et scénariste de film qui est le fils du célèbre Richard Matheson. D'accord. Alors, Richard Matheson que tout le monde connaît, c'est pas celui-là. Auteur de Je suis une légende, L'homme qui rétrécit. C'est ça. Il a travaillé principalement à la télévision sur des séries et sur des téléfilms horrifiques, comme par exemple Splatter, qui est une série Netflix produite par Roger Corman et réalisée par Joe Dante, donc plutôt du beau monde, mais apparemment c'est vraiment de la très très très grosse merde. Ça me dit rien du tout. Je sais même pas si c'est sorti chez nous. Splatter ? Bah logiquement les séries Netflix sortent partout où Netflix est disponible, donc... Alors c'est assez vieux, c'est 2013. Bien, faudrait que je jette un coup d'œil. Apparemment c'est horrible. Ah ouais, à ce point-là ? Ouais. Et alors, visiblement, l'originalité, c'est que le public pouvait voter pour qui vivait et qui mourait. C'était un peu un slasher. Mais bon, j'en sais pas beaucoup plus. Hein. Les retours sont vraiment odieux et il n'y a pas grand monde qui l'a regardé dans l'ensemble. Ça m'embête pour tant pour Roger Corman que pour Joe Dante. Et on le retrouvera comme scénariste, encore une fois, sur Rêve et Cauchemar, sur l'épisode Petit Soldat. Au niveau du casting, Tess est jouée par Maria Bello, qui avait démarré dans les années 90. Elle a joué par exemple dans la série télé Mr. and Mrs. Smith. Je savais même pas que c'était une série télé à la base. Je sais pas si t'as vu... Je savais que c'était une série télé, mais j'en ai jamais vu. Alors apparemment, il y a eu qu'une saison assez courte qui a pas eu particulièrement de succès. Donc c'est un peu étonnant qu'il y ait eu ce film après qui en soit adapté. Le film est plutôt pas mal, dans mon souvenir d'ailleurs. Oui, avec Angelina Jolie et... Brad Pitt. Brad Pitt. Aujourd'hui, elle joue un des rôles principaux dans NCIS depuis 2-3 saisons, je crois. Et au cinéma, elle a joué par exemple le rôle d'Eddie, la femme du personnage de Mads Mikkelsen dans History of Violence. On a parlé à l'épisode précédent, ancien. Oui, voilà, on l'a évoqué en parlant de Cronenberg. Elle a remplacé Rachel Weisz dans le troisième La Momie. Ah, bah elle a peut-être pas dû. Elle joue la femme de Hugh Jackman dans Prisoners. Ah, mais là, elle a bien fait. Ouais, effectivement. Effectivement, elle était dans Prisoner. Quel grand film, Prisoner, d'ailleurs. Effectivement, excellent film. Regardez-le si vous ne l'avez pas vu. Mmh. Et qui, pour le coup, en plus, parle pas mal du thème de la vengeance. Alors, cette fois-ci, c'est un fils qui s'est fait enlever et on sait pas trop ce qu'il est devenu. Mmh. Mais du coup, qui en traite bien plus intelligemment. Ouais, carrément, ouais. Avec une tension, mais vraiment, du début à la fin, c'est vraiment prenant, quoi. Ouais. Et elle, on l'a aussi vu dans des films, enfin on a pu aussi la voir parce que moi je les ai pas vus, dans des films comme World Trade Center ou Dans le Noir. World Trade Center, c'est le film d'Oliver Stone ? Ouais. Qui est très tire à l'arme. Hein. Ouais, c'est, enfin vu le thème, c'était prévisible et j'ai pas très envie de le voir en fait, ça m'intéresse pas des masses. Il faut aimer le style Oliver Stone très, très grandiloquent, mais là avec du tire à l'arme en plus quoi. Et déjà, je suis pas toujours fan d'Oliver Stone. Voilà. Et on la retrouvera aussi dans Fenêtre secrète, puisqu'elle joue la femme du héros. D'accord. Will Harris, qui joue le chauffeur, lui, il a une carrière très réduite en dehors de ça. Il a quelques apparitions dans des téléfilms et dans des séries télé, mais rien de très marquant. Alors, Betsy Neal, c'est-à-dire la tenancière du bar autoroutier, qui constitue le personnage le plus féministe du récit, elle est jouée par Joan Jett, alors qui est connue quasiment uniquement pour sa carrière en tant que chanteuse, parce qu'elle a quasiment rien fait en tant qu'actrice. Donc c'était une des membres fondatrices des Runaways, et elle est dans le groupe Joan Jett and the Black Hearts aujourd'hui, donc chant, guitare et composition. Je connais assez mal ce qu'elle a fait, en fait j'ai écouté un peu les Runaways, mais bon du coup c'est ce qu'elle faisait il y a 30 ans. Oui voilà, pareil. D'après un ami commun, lui il trouve ça pas forcément foufou, il trouve que c'est du punk grand public et du coup il trouve pas ça très intéressant. Il peut y avoir du punk grand public qui est sympa. Je suppose, mais c'est vrai qu'à première vue c'est quand même un peu antinomique. Oui c'est vrai. Mais bon, dans le film, moi je la trouve plutôt pas mal, on y reviendra, qu'elle s'en sort bien. Oui, clairement. L'actrice qui joue la personnage du club des indémaillables, justement, c'est Olympia Dukakis, donc une actrice grecque, au cas où vous ne l'auriez pas deviné au nom, qui a été très active au cinéma et à la télévision. Elle était déjà active depuis des années et des années hein, à ce moment-là. Moi, je ne l'ai pas vue dans grand-chose. Elle a joué dans Éclat de lune, un film avec Nicolas Cage et Cher. Ah tiens. Qui est apparemment pas mal. D'accord. Et moi, en fait, le seul truc dans lequel je l'ai vue, c'est dans Maudite Aphrodite de Woody Allen. Elle joue le rôle de Jocaste. Que je n'ai pas vu non plus, du coup. Bon, après, t'es pas fan de Woody Allen, donc je vais pas te le recommander, mais moi, voilà. Je le trouve très marrant. Mais elle a aussi... En fait, sa carrière est pas mal au théâtre aussi, et visiblement, elle gère bien au théâtre, elle a pas mal de prix. Enfin, c'est une actrice de théâtre réputée aux États-Unis, en tout cas. J'aime bien Woody Allen quand il ne fait pas du Woody Allen. Oh, bah, ça laisse pas grand-chose. Hein. Café Society, c'était très bien. Pourtant, c'est du pur Woody Allen. L'histoire d'amour est quand même moins centrale dans Café Society, je trouve. Certes. C'est ça, en fait, qui m'agace dans Woody Allen. C'est les récits d'amour et que les personnages ne se parlent pas. Mais après, ça, c'est son tic de réalisation et de scénariste, donc... Ouais, bah, c'est sa thématique centrale, ah. Donc c'est vrai que déjà, si elle te plaît pas, si elle t'agace, c'est mal parti. Mais du coup, ça m'agace moins dans ces vieux films, parce que c'est plus possible de moins bien communiquer dans des récits qui se passent dans les années 70... aujourd'hui où tous les moyens de communication existent, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends, mais justement je trouve ça intéressant qu'aujourd'hui ils communiquent plus alors qu'ils ont les moyens pour le faire. Mais vous êtes bien dans le Woody Allen Café, votre podcast centré sur les films de Woody Allen. Le vidéoclub de Manhattan. Voilà, il y a de quoi faire encore plus d'épisodes que de Castle Rock. Oh, pas tant que ça, il en a réalisé qu'une cinquantaine. Et enfin, la dernière actrice qui a un rôle un peu important dans le film, c'est celle qui joue la mère de Grand Chauffeur, Ramona. L'actrice s'appelle Anne Dowd, qui a une carrière à la télévision et au cinéma, mais qu'on a surtout vu dans des rôles secondaires, voire très tertiaires. Et en fait, j'ai l'impression que ces dernières années, elle arrive à des rôles un peu plus importants. Elle a joué notamment un des rôles d'antagoniste important de La Servante Écarlate, mais comme j'ai pas vu, je saurais pas creuser plus. Pareil, alors que pourtant, en voilà une série qui a bonne réputation. Oui. Et dans Hérédité, elle joue aussi le premier film d'Ari Aster. Donc le réalisateur de Midsommar. Hérédité, extraordinaire. Alors pour le coup, j'ai vu Midsommar, mais pas Hérédité. Moi, c'est l'inverse. Mais Hérédité, extraordinaire. Mais elle, cette actrice-là, c'est elle qu'il faut appeler s'ils font une nouvelle version de Mes Cerises. Elle a clairement la tête et la manière de jouer pour le rôle. Ah oui, clairement. Si une nouvelle version est prévue, il faut que ça soit elle. Le directeur de la photo, c'est Steve Cossens, qui fait un travail très sympa ici. Il a principalement travaillé en dehors de ça sur des documentaires et sur des téléfilms. Le compositeur, on retrouve celui de Rêve et Cauchemar, puisque c'est de nouveau Jeff Beal, qui fait un travail efficace mais que je trouve très académique, qu'on retient pas particulièrement une fois le film fini, mais il choque pas dans le contexte. Oui, voilà. Le plus étonnant, en fait, c'est la chanson du générique de fin. Je t'en avais parlé sur... sur Twitter qui est très décalé, on va dire. Non, mais ça, elle n'a rien à voir avec l'ambiance générale du film, quoi. C'est, la chanson s'appelle Mshiti Fia. Alors, voilà, j'ai pas trouvé le pays précis dont ça vient. De Hatim Amor, et ça a eu un très gros succès dans tous les pays arabes, en fait. C'est une des plus grosses chansons de l'année où c'est sorti. Et la date qui est précisée pour la sortie de la chanson sur les sites que j'ai consultés est postérieure à celle du téléfilm. Mais j'arrive pas du tout à savoir si la chanson a été composée pour le téléfilm, et dans ce cas-là, ça m'échappe complètement, parce que même en traduisant les paroles, ça a pas beaucoup de rapport. Et puis même, l'ambiance n'a aucun rapport, en plus. Oui. C'est très particulier, quand même. Après, c'est pas une mauvaise chanson, hein, elle est plutôt sympa, elle a juste rien à voir. Oui, voilà, c'est ça. Oui, parce que la chanson n'est pas désagréable en elle-même. Ouais, si on aime les styles un peu électro, ce qui est pas forcément hyper macam, elle est plutôt sympa, ouais. Bon, là, oui, effectivement. C'est comme si tu mettais... la compo de la soupe aux choux à la fin de la liste de Schindler. Quoi. Au bout d'un moment, ça pose problème, quoi. Faut faire le remontage, hein. Et l'envoyer à John Williams. La soupe aux choux pendant l'attaque extraterrestre dans Dreamcatcher, comme on l'a évoqué. Mais ça, on l'a fait, aussi. À retrouver dans notre épisode sur Dreamcatcher. Donc voilà, mais cette étonnante chanson, si quelqu'un a des informations sur qu'est-ce que ça fait là, je suis assez preneur, parce que c'est un grand mystère, et les données que j'ai pu consulter, les infos sur la chanson sont principalement disponibles en langue arabe, et j'en parle pas un mot, donc forcément, pour trouver des infos, c'est pas simple. Oui, ça pose problème. C'est un film qui a été vu par 2,1 millions de foyers lors de sa première diffusion, ce qui le place 3e de la soirée. Aujourd'hui, il a 50% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui le place dans les films qu'on a traités 9e à égalité avec Cimetière, et 5 sur Sens Critique, il n'est pas sur Allociné, ce qui le place à égalité avec La Part des Ténèbres et La Tour Sombre, parmi ce qu'on a traité. Pauvre Part des Ténèbres. Il n'est pas sur Allociné, parce que je pense que chez nous, il y a eu juste une sortie, une diffusion télé. Je crois même que chez nous, c'est du direct ou DVD. Il y a eu une sortie DVD chez nous ? Ouais. Mm-hmm. Mais qui est devenu introuvable depuis. Est-ce que ça n'a pas dû être édité à des centaines de milliers d'exemplaires, hein ? Non, clairement pas, non. Hé, hey, Tess. Beaucoup de femmes sont victimes de mauvais traitements. On vous a fait du mal ? Oui, mon beau-père. Quand j'avais 12 ans. Il m'a menacé avec son couteau. J'avais tellement peur que j'ai pas bougé. Ensuite, le couteau s'est enfoncé. Oh, c'est horrible. J'ai cru que c'était la fin du monde. Il y avait du sang. Beaucoup de sang. Je suis vraiment désolée. C'est bon. Je sais, la solidarité. Entre sœurs, on reste soudés pour toujours. Mais je déteste qu'on me touche. Et donc, c'est à peu près tout ce que j'ai à en dire. On va pouvoir passer à nos avis. Comme d'habitude, je te laisse la main, Christopher. On peut repointer exactement déjà les mêmes défauts que pour la nouvelle. Si ce n'est que c'est beaucoup moins long que la nouvelle. Et tant mieux. Parce que putain, si... S'il fallait faire un film de 40 heures pour ça, ça serait triste quand même. Allez, on peut dire que Monsieur Salomon a quand même gagné pas mal de levels, parce que la réalisation est plutôt propre. Et c'est beaucoup plus propre que sur Salem. Alors, déjà en termes de réalisation, Salem c'était loin d'être raté. Mais là, c'est plutôt pas mal. C'est une réalisation honnête. C'est pas une grande réalisation, mais ça se laisse regarder. La photo y est pour beaucoup, je pense. Parce que clairement, la lumière est pareille, est plutôt bien utilisée, plutôt propre. Le casting est plutôt satisfaisant, on va dire. Le problème, c'est les personnages, encore une fois. C'est ce qu'on demande de jouer aux acteurs, quoi. Ouais. Encore une fois, on a du mal à... Enfin, c'est pas qu'on a du mal à y croire, mais c'est que c'est beaucoup trop long pour ce que ça raconte, quoi. Et puis, ça dure. Encore une fois, le viol, mais là, la version cinéma, c'est même pas un viol. Il la viole 2 ou 3 fois d'affilée, quoi. Au bout d'un moment, mais arrêtez-vous. Oui, c'est ça, ça dure... ce passage-là dure trop longtemps. en fait, c'est un film qui semble totalement anachronique. C'est encore plus flagrant en film, je trouve. On a vraiment l'impression d'être revenu 30 ans en arrière au niveau message, au niveau genre. Donc, c'est dur de vraiment prendre plaisir à le voir. Est-ce que le film se veut encore plus féministe que la nouvelle, quoi ? Parce que le film, il y a souvent des touches vraiment qui essayent de dire « Ah, regarde, je suis féministe. » Bah non. Bah non, en fait, tu ne l'es pas. Pour le coup, je le trouve encore plus brutal que la nouvelle dans le côté légitimer l'auto-vengeance, parce que là, il n'y a plus du tout le doute concernant le frère, il participait au truc. Alors, dans une scène que je trouve absolument ridicule, d'ailleurs, quand elle trouve les photos épinglées au mur, enfin, on dirait une parodie, quoi, les mecs qui se prennent en photo en souriant, en faisant un signe de la main, devant alors des cadavres de femmes ou en train de violer des femmes, et ils affichent ça sur leur bureau. Au bout d'un moment, faut pas déconner, il y a une grande baie vitrée derrière. Oui, c'est ça, tu peux très bien voir de l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur, donc... au bout d'un moment, réfléchissez un petit peu, quoi. C'est complètement ridicule, cette scène-là. Je veux bien qu'ils essaient d'amener ça, mais qu'ils essaient de l'amener un peu subtilement, quoi, que les machins, ils les cachent un peu. Je veux bien que les mecs soient des psychopathes violeurs, mais ils savent que ce qu'ils font est pas bien, ils cachent un minimum les preuves, normalement. Mais puis surtout qu'au moment où elle arrive, les photos sont en train de s'imprimer. Mais qui a lancé l'impression, vu que l'un des frères est mort, et l'autre est en train de faire du bricolage dans le garage, qu'est-ce qui se passe ? Bah il avait lancé l'impression pendant qu'il bricolait, faut croire. C'est ça, je pense, mais c'est fou. Ce passage-là est complètement ridicule. Bah c'est pas le seul, hein, cela dit. Tu songes auquel ? Globalement, la confrontation avec la mère, c'est pareil, c'est longuet, en fait. C'est beaucoup trop long pour ce que ça raconte. Surtout que le personnage de Tess, du coup, se la joue à balancer des répliques de films qu'elle a vu la veille. C'est un petit peu forcé, quoi. C'est forcé le trait de caractère du personnage qui devient fort. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, à la limite, ça aurait pu être intéressant si elle avait tenté de devenir forte en citant ces répliques-là, mais qu'elle l'avait pas été vraiment, que ce soit une simulation de force. Ça aurait pu être intéressant, ça. À la limite, les dialogues avec le GPS, eux, sont plutôt bien amenés, avec Tom, du coup. Ouais, surtout que pour le coup, la dernière réplique du GPS, c'est pas mal vu, le « je suis perdu sans toi ». Oui, on rentre à la maison. C'est ça. Il y a aussi le « on rentre à la maison » dans le récit de King, mais ça, vu qu'il reste 30 pages après, ça marque moins. Oui. Et puis là, pour le coup, c'est le moment où le seul représentant vraiment masculin autour de Tess, parce que c'est une voix masculine, le GPS, finalement se soumet entre guillemets à elle, le symbole marche. Bah du coup dans la nouvelle il y a le chat aussi, mais... Ouais mais c'est un chat. Il est pas doublé dans le film, quoi. C'est ça. Parce qu'ils ont senti que ça aurait été un petit peu ridicule, mais bon. Je pense qu'on peut leur pardonner du coup. Puis un chat qui se soumet, ça existe pas. Oui, en plus. Non, par rapport à la confrontation avec la mère, ce qui m'a aussi un peu choqué dans le film, c'est que quand elle arrive chez la mère, en réalité, elle a pas de preuve quoi que la mère participe à tout ça. Elle dit qu'elle a vu la surprise dans le regard de la mère, mais ça... Disons que quelqu'un se présente chez toi en pleine nuit, avec la gueule un petit peu amochée, bon bah ça te surprend en fait. Ouais, c'est normal que t'aies un regard surpris. Surtout quand c'est une autrice que t'avais en séance de dédicace une semaine avant, je veux dire, la surprise peut s'expliquer par plein de raisons. C'est ça. Et puis c'est pareil, le fait que la mère... joue la comédie, mais en fait de manière beaucoup trop brutale, c'est-à-dire dès qu'elle prend le dessus, ça y est, elle devient diabolique, quoi, c'est le diable en personne, c'est ah ah ah, j'ai réussi à te duper. Oui, carrément, oui. Pff, c'est un petit peu ridicule, ça aussi. Alors, tout est grandiloquent, en fait. Et du coup, bah, ça fait tâche, parce que tu dis pas, tiens, je vais faire un recueil de nouvelles terre à terre, et tu fous pas de la grandiloquence partout. C'est contradictoire, au bout d'un moment. Ouais, c'est pas faux. Après, ouais, il y a des belles idées de réalisation. Après qu'elle se soit fait agresser quand elle est dans la station-service, il y a plein de sautes d'axe, ça retranscrit bien son égarement. Tout le passage où elle rentre aussi en taxi de luxe, et que t'es quasiment en noir et blanc, que t'as juste quelques couleurs, le rouge et compagnie qui s'affichent, ça rend joli, et puis pareil, ça peut retranscrire un certain égarement, une perte des repères habituels. Et en fait, au final, on a l'impression qu'on est face à un truc avec un trop bon réalisateur et un trop bon casting pour ce que c'est. C'est un peu dommage. C'est ça. Parce que ouais, on aurait aimé voir ces gens-là travailler sur un truc qui en valait un peu plus la peine. Même sur un démon du maïs. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, tant qu'on y est. Alors pour le coup, on en parlait, les interlocuteurs du roman sont remplacés uniquement par le GPS et par une des indémaillables. Et ça, c'est plutôt bienvenu, surtout que c'est l'indémaillable qui va le plus pousser Tess à l'action. Oui, du coup, un personnage féminin. Ouais. Là, pour le coup, c'est logique. Et qui, pour le coup, en fait, limite, son personnage imaginaire a un meilleur parcours qu'elle, parce qu'elle part de petite vieille, un peu à la Miss Marple, et elle devient beaucoup plus badass au fur et à mesure de l'intrigue. Oui, c'est très marrant, à la fin, quand elle lui dit « Hey, oublie pas !» Tu sais, fais-le souffrir ou un truc comme ça, je sais plus ce qu'elle lui dit exactement, ouais. Mais... Donc limite, en fait, le parcours de ce personnage-là est mieux traité, je trouve, que celui de l'héroïne. Oui, clairement, oui. Toi, tu disais donc qu'effectivement, la scène avec avec Betsy, la barmaid, fonctionnait plutôt bien aussi dans le film. Oui. Elle est changée de place, elle est mise là quand elle va récupérer sa voiture, et je trouve que c'est mieux, elle va mieux au milieu du récit. Oui, parce que c'est avant qu'elle ne commette sa vengeance, quoi. Oui, c'est ça, là, pour le coup, la vengeance arrive plutôt vers la fin, il reste 5 minutes après, et puis c'est tout. C'est ça. Il supprime la tentative de suicide de Tess, dans le film. Oui, bah, vraiment, une fois qu'elle a tué, en fait, elle va juste faire disparaître l'épreuve, et il y a une petite scène de conclusion, et puis c'est tout. C'est ça. On voit qu'elle essaye de relancer ses personnages, elle essaye de moderniser un petit peu ses intrigues policières, quoi. Ouais. En fait, elle profite de ce qu'elle a vécu, pour le coup, là... Ça peut être vraiment un vrai message, elle profite de ce qu'elle a vécu pour rebondir, pour donner naissance à quelque chose. Ouais, surtout que dans le film, c'est quand même dit qu'elle sentait que ça arrivait un peu à saturation, ses romans, et donc elle arrive à se renouveler à travers ça. Même si, encore une fois, bah, t'es pas obligé, normalement, de subir un acte atroce pour grandir, quoi. C'est un code très récurrent du rape and revenge et du cinéma en général, l'agression d'une femme qui est ce qui déclenche son évolution. Voilà, qui déclenche le fait qu'elle décide de grandir et de plus se laisser soumettre, alors que bordel, ouais, quoi. Il faut pas ça, normalement. Il faut pas ça, il y a d'autres moyens, quoi. Il y a des moyens beaucoup moins sexistes et beaucoup plus progressistes pour arriver à ça, quoi. Ton fils m'a d'abord violé. Non. Il a essayé de me tuer. Et il croit qu'il a réussi à me tuer. Non. Et c'est toi qui m'as envoyé non. à lui. Non, je ferai jamais ça. Et lui non plus ne ferait jamais ça, c'est pas vrai. Si, il ferait jamais une chose pareille. Lâche ça, dégage, sale gars, lève-toi de moi. T'es une écrivaine de merde. Et t'as été une conférencière de merde. Tu as dit que mon nouveau roman était fantastique dans ton introduction. J'ai menti. L'autre conférencier a annulé, c'est pour ça que je t'ai contacté. J'avais personne d'autre. Tes intrigues sont téléphonées. Et tes vieilles dames tiennent pas la route. C'est sévère, Ramona. T'étais parfaite pour mon fils. Maman. Par rapport à la fin, en fait, j'ai eu l'impression de plusieurs fins successives. Moi, je sais pas si ça te l'a fait. Une première fois, je me suis dit que ça allait se terminer juste après le meurtre, quand elle rentre en voiture, et qu'elle se demande si elle a oublié des indices, et là, elle se tourne justement vers vers son personnage, et elle lui dit « Qu'est-ce que j'ai oublié ?» Et ça aurait pu être intéressant de couper là, parce que ça aurait coupé avec le spectateur qui se demande si elle va vraiment pouvoir faire ça en toute impunité, ou si elle va être rattrapée par sa vengeance. Ça aurait fait un petit suspense, ouais. Ça continue, elle fait disparaître l'épreuve. Après, t'as la scène où effectivement elle commence son nouveau livre des indémaillables, qui est Les Indémaillables Riposte, je crois, le titre. Et il aurait été bien que ça coupe là. Et en fait, ça enchaîne sur une troisième fin où elle reçoit un appel de Betsy qui lui dit juste « Je sais ce que vous avez fait, vous avez bien fait ». La scène marche pas mal parce que t'as le côté « Je sais ce que vous avez fait », on se dit « On va la faire chanter, voilà quelque chose », et finalement il y a le soulagement. Mais encore une fois, non seulement ça arrive après deux fins déjà qui auraient pu suffire, et encore une fois, bah, ça excuse tout ça, quoi. C'est ça. Betsy finalement reprend le rôle qui est rempli par le vieux détective dans l'autre nouvelle, dans Bon Ménage. Dans Bon Ménage, ouais. Moi je trouve que l'appel téléphonique de Betsy est en trop, clairement. Ça aurait vraiment, oui. Ça aurait dû s'arrêter à la réécriture, à l'écriture d'un nouveau roman des Indémaillables. Surtout que de la manière dont c'est filmé, ça donne vraiment l'impression qu'ils avaient filmé deux fins et qu'ils n'ont pas su choisir au montage. Et puis, en fait, du coup, en y réfléchissant, ce que ça implique, le fait que Betsy ait compris, ça te montre encore plus que, bah putain, mais les flics ne font pas leur boulot. Bah, dans le film, je me demande si la flic, là, qu'elle rencontre à la station-service, n'a pas aussi compris. Parce qu'il y a une scène du film où elle espionne grand chauffeur à une station-service avant de le suivre chez lui, et au moment où elle va pour le suivre, il y a une policière qui tape à sa vitre et qui lui demande ce qu'elle fait là, dans le noir. Et Tess sort des excuses assez peu crédibles, parce qu'elle est prise au dépourvu, et on a vraiment l'impression, je trouve, que la flic la laisse partir volontairement en sachant très bien ce qu'elle va faire. Elle est très étrange, cette scène. Hein. Elle est très étrange parce que bah, on comprend pas trop en fait ce qu'elle fout là, cette scène-là. Moi, tel que je l'ai interprété, mais c'est dans tous les cas maladroit, c'est la policière qui sait qui est grand chauffeur, qui sait qu'elle pourra rien faire avec la justice et qui donc laisse faire une quidam moyenne. Bon, après, il y aurait eu le risque que grand chauffeur la bute et la jette dans un caniveau, mais c'est l'intention qui compte. Et puis du coup, si c'est vraiment ça le but, ça valide encore plus cette volonté de l'auteur du scénario du film, parce que cette scène-là est absente du roman, on le reprécise, ça valide encore plus son envie de dire « Regardez, la vengeance, c'est bien !» Ah bah, même les forces de l'ordre te laissent partir, vas-y, fais ta vengeance. Oui, ça, clairement. Mais de toute façon, il y a clairement ce message tant dans le film que dans la nouvelle. Donc... qui est moins présent dans la nouvelle, encore une fois. Parce que vu que dans la nouvelle, il y a le doute à le sujet du frère, il y a les petits remords du coup qu'elle a à un moment avec sa tentative de suicide, c'est quand même moins présent dans la nouvelle. Même si, bon, oui, ça y est, on peut pas se le cacher. Ça y est d'autant plus que c'est dans le même recueil que Bon Ménage qui, finalement, a le même message final. Oui. C'est la combinaison des deux qui conforte un peu dans cette interprétation-là, quand même. C'est ça. Ça fonctionne mieux dans Bon Ménage, en revanche. Même si, bon, bah oui, le message de base, ça reste discutable, quoi. Ouais. Donc voilà, moi, tout ce que j'ai à en dire. Pareil. On passe à la suite ? À la scène, du coup. Ok, c'est parti. Très bien, pour la scène, pour le comparatif de scène, nous avons choisi le moment où Tess commet son deuxième meurtre. Après avoir tué la mère, Ramona, elle pense tuer son agresseur, sauf qu'elle va se tromper de personne. Et c'est Christopher qui va faire la lecture cette fois-ci. Aïe aïe. Alors, il s'agit de l'édition Livre de Poche, traduit de l'anglais par Nadine Gassi. Et nous sommes du coup à la page 362. Elle s'élança pour contourner l'avant de la camionnette, perdit l'équilibre, tomba sur un genou, se releva et ouvrit à l'arraché la portière du conducteur. Strelke s'écroula à l'extérieur et sa tête morte heurta le goudron lisse de son allée. Sa casquette tomba. Son œil droit, dévié de l'orbite par la balle qui avait pénétré son crâne juste au-dessus, fixait la lune. Le gauche fixait Tess, mais ce ne fut pas le visage qui acheva de la convaincre, le visage qui présentait des rides qu'elle voyait pour la première fois. Le visage grêlé de vieilles cicatrices d'acné qui n'y étaient pas le vendredi après-midi. « Il était grand ou super grand ?» avait demandé Betsy Neal. « Super grand, » avait répondu Tess. « Et il l'était, c'est vrai, mais pas aussi grand que celui-ci. Son violeur mesurait 1m95. C'est ce qu'elle avait pensé quand il était sorti de sa camionnette. Sur la camionnette, elle n'avait aucun doute. Volumineux du bide, des cuisses et aussi large qu'une porte cochère. Mais celui-ci faisait au moins 2 mètres. Elle était venue chasser un géant et avait tué un léviathan. « Oh, mon Dieu !» dit Tess. Et le vent emporta brutalement ses paroles. « Oh, cher bon Dieu, qu'ai-je fait ?»« Tu m'as tué, Tess, » dit l'homme couché par terre. Et c'était tout à fait sensé, étant donné le trou qu'il avait dans la tête et celui qu'il avait dans la gorge. « T'as tué grand chauffeur, exactement comme tu comptais le faire. » La force l'abandonna. Elle se laissa tomber à genoux à côté de lui. Du ciel qui grondait, là-haut, la lune jeta un rayon lumineux. « La bague, » chuchota-t-elle, « la casquette, la camionnette !» « Il met la bague et la casquette quand il part en chasse, » dit grand chauffeur. « Et il prend la camionnette. Quand il part en chasse, je suis sur la route dans un smirmorgue du Gerfaux rouge. Et si quelqu'un le voit, surtout quand il est assis au volant, il pense que c'est moi. »« Pourquoi est-ce qu'il fait ça ?» demanda Tess au mort. « Tu es son frère. »« Parce qu'il est fou, » répondit grand chauffeur d'un ton patient. « Et parce que ça a marché avant, » intervint Dorine Marquis. Quand il était plus jeune et que Lester a eu des ennuis avec la police... La question est de savoir si Roscoe Strelke s'est suicidé à cause de cette première affaire, ou parce que Ramona en a fait porter le chapeau au grand frère. Ou peut-être Roscoe allait-il parler. Alors Ramona l'a supprimé, en maquillant le meurtre, en suicide. Qu'en dis-tu, Al ? Mais sur ce point, Al observa le silence. Un silence de mort, en somme. Je vais te dire comment je vois les choses, reprit Dorine, sous le clair de lune. Je pense que Ramona savait que si ton petit frère se retrouvait dans une salle d'interrogatoire, même avec un policier moyennement futé en face, il risquait d'avouer bien pire que d'avoir tripoté une fille dans le bus scolaire, ou lorgné aux vitres des voitures dans le chemin creux des amants du coin, ou quelques autres délits insignifiants dont on l'a accusé à l'époque. Je pense qu'elle t'a convaincu, toi, de porter le chapeau, et a baratiné son mari pour qu'il ferme les yeux. Ou l'a rudoyé, plutôt, pour qu'il la boucle. Dans l'un ou l'autre cas, il n'y a pas eu de suite. Soit parce que la police n'a pas demandé à la fille de faire une identification formelle, soit parce que la fille a retiré sa plainte. Al ne dit rien. Tess pensa. Je suis là, à genoux, à parler avec des voix imaginaires. J'ai perdu la raison. Pourtant, une partie d'elle-même savait qu'elle essayait de garder la raison. La seule façon de le faire était de comprendre, et elle pensait que l'histoire qu'elle racontait avec la voix de Dorine était soit vraie, soit proche de la vérité. Elle était basée sur des suppositions et des déductions. Mais elle était sensée, et elle correspondait à ce que Ramona avait dit dans ses derniers instants. « Espèce de stupide conne, tu sais pas de quoi tu parles !» Et « Vous ne comprenez pas, c'est une erreur !» C'était une erreur, d'accord. Tout ce qu'elle avait fait ce soir était une erreur. Non, pas du tout. Elle était complice. Elle savait. « Est-ce que tu savais ?» demanda Tess à l'homme qu'elle avait tué. Elle tendit la main pour saisir le bras de Strelke, puis la retira précipitamment. Se croyant toujours vivant, le bras serait encore chaud sous sa manche. « Tu savais ?» Il ne répondit pas. « Laisse-moi essayer, » dit Dorine. Et de sa voix plus gentille, sa voix de vieille dame à qui l'on peut tout dire, celle qui fonctionnait toujours dans les livres, elle demanda. « Dans quelle mesure le saviez-vous, monsieur chauffeur ?»« Je l'ai parfois soupçonné, » dit-il. « Le plus souvent, je n'y pensais pas. J'avais une boîte à faire tourner. » Et maintenant, la même scène dans le téléfilm. Et non pas au ralenti. Pour la dernière de la saison, c'est bien, la parfaite. Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu viens de me tuer, Tess. Comme tu comptais le faire. J'ai pas tué le bon type. Erreur d'identité, très cher. Ça arrive. Christophe Colomb a cru que l'Amérique était l'Inde. Et puis je dois reconnaître que l'éclairage de cet endroit n'est pas excellent. La question est de savoir pour quelle raison le pauvre père s'est tué. S'est-il suicidé parce qu'il avait trop honte de son monstre de fils ou est-ce qu'il allait tout dire et c'est maman qui l'a supprimé en maquillant le meurtre en suicide? Les êtres sensibles épousent souvent des êtres cruels. Jeune homme, quelle est la bonne version? Dis-lui. Dis-lui. Ça suffit, Dorine, arrêtez! Ça suffit. Non, tant que tout n'est pas réglé, très cher, et tu le sais, c'est ton obsession. Un cadeau qui te vient de ton enfance chaotique. Non, non, j'ai... Non, non, non, je parle à un personnage que j'ai créé et à un homme que je viens de tuer. J'ai perdu la raison. Et tout le monde avait prédit que ça t'arriverait. Pourquoi lutter? Conduisait son camion. Il prend toujours mes affaires, lui aussi. Il a mes jeux vidéo et il refuse de me les rendre. Tu es son frère. Quand ses filles disparaissaient, tu questionnais ta mère? Personne ne lui pose de questions. Jamais. La famille ne veut plus rien dire. Dans notre dernier roman, il y avait ces trois horribles triplés qui se faisaient passer s'il pour te plaît, l'autre. Dorine, pourquoi tu n'as rien dit à personne à propos de ton taré de frère? J'en sais rien. Il avait peur, évidemment. T'avais peur de lui? Pas de lui. J'avais peur d'elle. Alors pour le coup, les deux scènes sont assez proches, dans le livre et dans le téléfilm. La principale différence va être, je trouve, une différence de ton autour du personnage de Dorine, ouais. Qui dans le téléfilm va être bien moins dans l'explicatif et va avoir un côté bien plus léger en fait. Bien plus humour noir et rentre dedans. Ouais, surtout que dans le téléfilm en fait finalement elle va pas chercher à justifier l'acte. Au moins dans un premier temps, ça va venir après. Au début, elle dit juste, oui, bon bah tu t'es trompé, tant pis, c'est fait. Et c'est vrai que, du coup, dans le roman, les personnages imaginaires, les voix que Tess se fait, interagissent entre elles. Chose qui n'est pas présent là dans le film en l'occurrence. Oui, ou beaucoup moins en tout cas. En revanche, les deux scènes par contre sont plutôt réussies. Oui, pour le coup, c'est un des quelques moments, même si c'est un des moments qui va faire passer le message un peu nauséabond de l'œuvre, paradoxalement. Ça fonctionne pas mal du point de vue de l'écriture et du rythme. Oui, puisqu'en plus, dans le film, il y a aussi un espèce de montage très particulier où, quand elle se rapproche de la camionnette, enfin, au début, quand elle guette, on voit ce qui va se passer, son intention, c'est-à-dire tuer son violeur. Ensuite, elle y va, et du coup, c'est un montage alterné entre elle qui y va et elle qui revoit sa vision alors qu'elle est en train de le tuer. Oui. Et ensuite, on se rend compte que elle a tué la mauvaise personne. Donc, le montage est plutôt intéressant et amène un vrai suspense sur le moment. Alors, ce qui me fait me questionner un peu dans le livre, c'est peut-être juste que je suis pas doué, hein, mais moi, une personne entre 1m95 et 2m, je fais vraiment pas la différence. Non, non plus. Enfin, surtout que le grand chauffeur, elle connaît sa taille, mais elle l'a connue dans un moment de choc, donc... Enfin, comment elle fait pour être aussi affirmative ? Je ne sais pas, je ne suis pas profiler. Eh non, mais elle non plus, c'est bien ça le problème. Oui, mais peut-être que les personnes qui vivent quelque chose de dramatique comme ça sont capables... Tu sais, arrivent à mémoriser les gens qui les agressent ou quoi, je ne sais pas. Ouais, peut-être, mais je sais pas, je trouve ça un peu... Il y aurait une différence de 20 cm entre les deux, d'accord, mais 5 cm, mais c'est quand même vraiment pas grand-chose. C'est vrai qu'elle se rend compte que quelque chose cloche alors qu'elle a pas encore approché le visage du cadavre. Oui. Alors que c'est vrai que, bon, une fois que le mec est à terre, bon, tu te poses pas la question, mais attends, il est pas plus grand que celui qui m'a violé, surtout quand la différence est de 5 cm. Ouais, voilà. Enfin, après, c'est... supposer 5 cm pour elle, peut-être que c'est beaucoup plus, on sait pas. Ouais, peut-être. Tu vois, c'est des suppositions qu'elle fait. Ça fait bizarre, je trouve. Oui, par contre, oui, on est d'accord. Mais là, voilà, la scène est plutôt bonne, que ce soit dans le roman ou dans la nouvelle, malgré ce que ça amène niveau avis sur la vengeance en elle-même. Oui, c'est ça. Et peut-être que l'avantage du téléfilm, c'est qu'il va être... Enfin, il va être beaucoup plus simple quand même dans l'explication de comment le frère collaborait. Parce que finalement, dans le roman, elle doit faire des suppositions. C'est du Sherlock Holmes qu'elle est en train de nous faire, de déduire des trucs de malade à partir de rien. Oui, voilà, c'est ça. C'est que, à la différence, dans le film, on a une preuve visuelle, donc on sait qu'il agissait, parce que, à cause des photos et tout ça, alors que dans la nouvelle, elle le fait parler. Donc c'est pas une preuve palpable. C'est pas acceptable, en fait. Et puis elle fait des suppositions absolument, absolument dingues. Elle connaît la marque du camion qu'il emporte quand il part et que l'autre l'utilise. Donc elle doit savoir s'il fonctionne au diesel ou au sans-plomb. Donc quoi qu'il arrive, le doute persiste dans la nouvelle. Alors que dans le film, c'est balayé, quoi. Il est même pas juste conscient de ce qui se passe. Il agit dans le film. Après, je me rappelais plus que dans le roman, la mère était autant montrée comme étant un peu le cerveau de la famille. Elle est clairement, c'est clairement elle qui semble diriger les opérations dans le roman. Oui. C'est très étrange du point de vue du message féministe. Oui, c'est vrai que c'est... J'avais pas enlevé ce fait-là, mais effectivement, ça pose problème aussi. Les mères problématiques, c'est un truc récurrent chez King, il y a souvent des mères très dominatrices, et là, du coup, dans le contexte, c'était peut-être pas le meilleur moment pour en mettre une. Des mères au sens premier ou au sens second du terme. Qu'est-ce que tu veux dire ? Parce qu'il y a aussi des personnages qui s'approprient le rôle de mère. Par exemple, typiquement, on en revient, Missouri, elle s'approprie un rôle maternel avec l'écrivain qu'elle garde chez elle. Ouais, effectivement, ouais. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Pareil, je pense qu'on peut en venir à notre classement. Eh bien, c'est parti pour le classement. Alors, comme d'habitude, on va commencer avec le classement des livres que je vais vous lire, et Issam fera, comme d'habitude, le classement des films. Alors, nous avons, côté livres, nous avons une liste qui compte 18 ouvrages. En tête de liste, nous avons Cimetière, La Part des Ténèbres et Dead Zone en 3e position, alors qu'en queue de classement, nous avons en 16e Poids Lourd, suivi du Dentier Claqueur, puis en 18e position, L'Année du Loup-Garou. Alors... Autant dire que Grand Chauffeur, c'est pas de la tête de liste. C'est difficilement même du milieu de liste. C'était très long et chiant. C'était très long et chiant au point que je reprendrais même plus de plaisir à lire Dreamcatcher. C'était... Tu vois, Poids lourd, c'était pas bien. Mais c'est moins long. Ouais, et puis Poids lourd, c'est pas que c'est pas bien, c'est que ça passe sans laisser de souvenirs impérissables, sinon c'est pas désagréable. Voilà, c'est ça. Alors, en dessus ou en dessous de l'année du loup-garou ? Parce qu'en fait, c'est ça la vraie question. Ouais. En fait, il n'y a pas d'autre place possible. C'est soit en dessus, c'est soit au-dessus ou en dessous de l'année du loup-garou. Et à la limite, l'année du loup-garou, il y a les dessins. Il y a des chouettes illustrations pour la version illustrée. Ouais, j'ai pas la version illustrée, moi, donc j'ai pas eu cet avantage. Après, l'année du loup-garou... C'est moins long, ça se lit beaucoup plus vite. Ça se lit plus vite... Et les quelques scènes qui marchent, qui sont pas nombreuses et qui sont noyées au milieu d'un marasme total, marchent un peu mieux. Et c'est vrai qu'il n'y a aucun problème de message dans l'année du loup-garou. Il y a aussi ça. Enfin, quoi que si, il y a une vengeance contre un loup-garou, mais ça, oui, je suis un peu moins formel sur ce problème-là. Voilà, c'est contre un loup-garou, quoi. C'est pas exactement la même chose. Et puis, il y a un super fauteuil d'handicapé moto. Ouais. Qui est très dangereux pour la survie de son... du gamin qui le chevauche, mais bon. Ouais, franchement, ça, pour moi, ça va en dessous. Hein. De la nuit. Ouais, j'ai rien à y redire. Grand chauffeur en dernière position. 19e après l'année du loup-garou. Et donc, au niveau des films, nous avons à la première place Carrie de Brian De Palma, suivi de Chambre 1408 de Michael Avstrom et de Dead Zone de David Cronenberg. Et en queue de classement, à la 21e place, Les Démons du Maïs de Donald Pebercher, Jesse de Mike Flanagan et Le Fléau de Mick Garris. Il y a pas mal plus de films, parce qu'il y a des choses qui ont été adaptées deux fois, ou des téléfilms qui n'ont pas de livres, qui sont des scénarios inédits. Ou même une série télé, puisqu'il y a Kingdom Hospital. Ouais. Et dans tous les cas, vous retrouverez les listes complètes dans la description. Donc, où est-ce qu'on va mettre... Grand chauffeur... Où est-ce que tu verrais Grand Chauffeur ? Bah, en fait, c'est très embêtant, parce que si on... En fait, il y a vraiment ce contraste entre le message du film, entre ce qu'il nous raconte, qui, pour moi, le placerait dans la zone Jesse, et la manière dont c'est réalisé, qui, pour moi, le placerait dans la zone Dernière Affaire d'Omné, donc en 12e place. Mmh. C'est-à-dire, si je le juge sur ses qualités cinématographiques... Il va aux alentours de la 12e, 13e place. Si je le juge sur son message, il va aux alentours de la 21e, 22e place. C'est emmerdant. Oui, c'est vrai que c'est emmerdant. Est-ce que pour toi, ce film-là serait moins regardable que Dreamcatcher ? Bah, Dreamcatcher, je peux le regarder sans avoir un goût un peu... Un peu rance. Un peu de caca. Ouais, voilà. Joli. Non, à la limite, en fait, là où je commence à me dire que je préfère revoir Grand Chauffeur plutôt qu'un autre, c'est par rapport à Trucks. Je préfère revoir Grand Chauffeur que Trucks. Moi, j'aurais plus de sympathie pour Trucks. Au moins pour la mort du facteur et les deux morts à la hache. Ouais. Parce qu'il n'y a aucun autre, il n'y a aucun grand moment comme ça qui sort dans Grand Chauffeur. Ouais, mais l'ensemble tient un peu plus la route, c'est quand même mieux joué dans l'ensemble. Trucks, c'est pas foufou quand même. Hein. Oui, non, mais là je suis d'accord. Mais il n'y a aucun moment de bravoure dans Grand Chauffeur. Alors là, forcément, on en est à chercher des points, à tatillonner, hein, mais. Ça dépend ce que t'appelles moment de bravoure, parce que toute la réalisation, il y a des beaux moments, quoi. Alors c'est sûr, c'est pas des moments fun. Voilà. Comme dans Grand Chauffeur, mais bon, c'est pas non plus la même ambiance de base. Ah oui, clairement. Après, clairement, dans cette zone du classement, je vais pas me battre. Hein. Tu vois. C'est vraiment... soit devant, soit après Trucks. J'ai du mal à me décider. Moi, personnellement, je le mettrai après, mais uniquement pour les deux scènes que j'ai évoquées. Maintenant, je te laisse trancher. Clairement, je vais pas me battre... pour Grand Chauffeur. Je vais trancher pour devant Trucks, parce que je me suis vraiment beaucoup fait chier devant Trucks. Oui. Alors que moi, bon, j'y ai trouvé des moments fun. Ouais. Mais voilà, je vais pas me disputer avec toi pour Grand Chauffeur. Tu m'aurais dit, j'hésite à mettre Shining devant ou après Trox, là, je me serais peut-être battu, mais... Lequel de Shining? Celui de Kubrick? Celui de Kubrick. Bien sûr, ouais. Tu m'aurais dit, bon, après Trox, ça peut-être que j'aurais eu à redire. Ouais, oh, c'est pas si bien que ça. Hein. On en reparlera. Hein. On en reparlera bien un jour. Donc ouais, allez, on va lui donner la 20e place, et Trox prend maintenant la 21e. Et là, c'est parti. Très bien, donc c'est fini pour cette émission. Nous allons procéder au tirage au sort de deux titres, comme d'habitude, mais nous allons prendre des petites vacances. Nous reprendrons les émissions régulières en septembre. D'ici là, nous ferons probablement un ou deux hors-série. On ne sait pas encore sur quel thème, mais on vous tiendra informé. Oui, sur Twitter. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre. Et donc, on va savoir à quelle sauce on va être mangé à la rentrée. Le premier film de notre deuxième saison... Eh ben, ça tombe bien que ce soit celui-là, parce qu'on va avoir du mal à se le procurer, ça nous laisse du temps. Ce sera No Smoking, d'Anurag Kashyap, adaptation officieuse de Desintox.inc, indienne. Oh ! Ah oui, le truc complètement obscur. Oui. J'ai maintenant le petit chapeau. Mais Anurag Kashyap est un très bon réal. J'ai le petit chapeau, je vais tirer ce petit papier, je rends le chapeau à Issam. Et j'ai tiré... Ah, ça faisait longtemps, j'ai tiré Children of the Corn. Ah, lequel? Runaway, par Joël Soisson. D'accord, je crois que c'est le 8 ou quelque chose comme ça. Ça nous fait plaisir. Ouais, on est content. On est content. Bien pour débuter ça. Ah, cool. Bon bah très bien, on se retrouve dans les épisodes spéciaux assez bientôt. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager, à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, @cinémarchiviste pour moi, @augrèsdesbulles pour Chris. C'est bien ça, également sur YouTube pour toi, la chaîne L'Archiviste du Cinéma. Ouais. Sur Discord également, vous aurez le lien dans le descriptif de ce podcast. Ouais. Nous animons d'autres podcasts, Casse sur table, consacré aux nouveautés BD, comics, manga, et La Guerre des Claples, consacré au cinéma en général. Pareil, vous trouverez des liens dans la description. Et en attendant, nous vous disons au revoir, et n'oubliez pas que le Vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Salut! Salut!